L'affirmation de soi. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'affirmation de soi, c'est la capacité pour la personne qui est impliquée dans un processus de conscientisation d'exprimer son être dans son quotidien, dans le but d'être bien dans sa peau. Donc, l'affirmation de soi vise à exprimer ses besoins. C'est la manifestation d'une individualité qui se construit dans la capacité de manifester son propre intérêt, sa propre volonté, pour se faire respecter ses droits, écouter ses besoins de par les gens de son environnement. Et l'affirmation de soi se fait à deux niveaux. Ça peut être avec des individus sur le plan physique et ça peut être aussi avec des entités sur le plan psychique. Donc, la personne qui vit l'ouverture de son centre de perception psychique, étant donné qu'elle connaît le processus de fusion avec l'esprit, où elle va intégrer une énergie qui provient du plan mental, eh bien, à ce moment-là, l'affirmation de soi vise, dans cette optique, à manifester dans son quotidien, à travers la parole et ses actions, une vibration de type mental en proportion de celle qu'elle intègre dans le cadre de son processus de conscientisation. Donc, l'affirmation de soi, c'est la capacité de faire respecter ses limites, de faire écouter ses besoins, d'être capable de dire non. Dans le concret, la capacité d'affirmation de soi va se manifester chez la personne qui est capable d'exprimer ses limites lorsqu'elle sent qu'on empiète sur son territoire. Donc, avec des gens, ça peut être la capacité de dire à une personne qui la contacte régulièrement, voire à tout moment de la journée ou 24 heures sur 24, d'arrêter d'agir ainsi. Donc, être capable de mettre ses limites par rapport à une personne sur le plan physique. Et c'est exactement la même chose qu'elle doit faire à l'égard d'entités. Donc, autrement dit, quelqu'un peut vivre sur le plan physique de l'harcèlement téléphonique, donc se faire constamment téléphoner. Et au niveau psychique, il existe aussi de l'harcèlement psychique, c'est-à-dire qu'une personne reçoit constamment des idées qui proviennent d'entités qui sont désagréables. Donc, autrement dit, quelqu'un peut se faire harceler au téléphone en se faisant dire des éléments désagréables, donc des insultes, des moqueries, se faire chanter des bêtises pour employer des expressions québécoises. Et c'est la même chose au niveau psychique. Donc, autrement dit, quelqu'un peut se faire traiter d'idiot, peut se faire dire des choses qui sont stupides de la part d'entités qui cherchent à le dénigrer, un peu comme la personne qui va être bombardée par des téléphones. Donc, la personne qui peut se faire intimider par des gens par téléphone peut se le faire également intimider par des entités sur le plan psychique. D'où l'importance à la personne de s'affirmer, c'est-à-dire d'être capable de mettre fin à ce type de comportement qu'elle peut subir, à la fois sur le plan physique. Sur le plan physique, bien, c'est sûr qu'elle peut changer de numéro de téléphone, elle peut arrêter de répondre au téléphone quand elle voit un certain numéro à être sur son afficheur. Et sur le plan psychique, elle peut agir d'une manière similaire. Donc, autrement dit, si la personne reçoit une pensée d'une entité et elle perçoit que derrière la vibration de la pensée, il manque d'ajustement, eh bien, à ce moment-là, c'est de ne pas croire la pensée, de ne pas lui donner de valeur, de ne pas la réfléchir, donc de ne pas lui accorder de l'importance de la nourrir de son énergie. Donc, la personne peut laisser circuler la pensée en prenant un recul par rapport à elle, comme elle peut regarder des nuages circuler dans le ciel. sans leur donner d'attachement. Donc, la pensée est là parce qu'après tout, l'être humain n'est pas la source de la pensée, mais il reçoit plutôt des pensées qui proviennent d'entités. Donc, à ce moment-là, la personne peut regarder la pensée circuler dans son mental, apparaître, disparaître. Puis là, il y en a d'autres qui apparaissent, disparaissent. Ou la personne peut s'opposer aussi à l'entité qui est derrière la pensée pour que elle manifeste son individualité dans le but de se faire respecter par elle, au même titre qu'elle va vouloir se faire respecter par des gens sur le plan physique, dans l'optique de ne pas se faire constamment téléphoner par eux à tout moment de la journée. D'ailleurs, une personne qui est trop réceptive à l'égard d'entités, eh bien, elle va recevoir des idées qu'elle va prendre en note le matin, l'après-midi, le soir, pendant la nuit, à tout moment de la journée. Bien sûr que si c'est des idées créatives, eh bien, elle peut trouver ça dynamisant, sauf qu'après un certain temps, elle peut trouver ça épuisant si ça l'empêche de dormir et nuit dans son fonctionnement dans le quotidien. Donc, autrement dit, si la personne est fascinée par l'entité, elle lui donne de la valeur, elle lui donne de l'importance, eh bien, à ce moment-là, elle vit en fonction de l'entité qui lui envoie des pensées plutôt que de vivre en fonction d'elle-même. Et si elle n'affirme pas ses besoins, elle risque de subir des problèmes d'insomnie. Elle risque aussi d'être perturbée dans son fonctionnement, dans son quotidien. Donc, autrement dit, si elle ne dort pas suffisamment, ça risque de lui nuire par la suite pour travailler. Et ça, c'est les limites qui vont se pointer à l'individu lié à son comportement qui va lui occasionner de la souffrance et qui ces limites-là liées à un trop grand attachement à certaines entités peuvent l'amener à renégocier intelligemment son rapport avec l'entité au même titre que l'individu qui passe trop de temps avec une autre personne sur le plan physique peut être appelé à renégocier son rapport avec elle de manière à ne pas souffrir et à faire respecter ses besoins. Donc, en étant capable de s'exprimer, la personne peut mettre un cadre dans son rapport avec l'entité en faisant en sorte que si elle reçoit des idées, quand même qu'elle soit très intelligente pendant la nuit, eh bien, elle ne les prend pas en note, mais elle se garde une disponibilité pour le faire sur des heures de travail de bureau, entre 8 h et 5 h, pour être disponible à de la créativité. Donc, la personne peut gérer son horaire avec des entités, au même titre qu'elle peut gérer son horaire de travail. Donc, lorsqu'elle est en disponibilité pour le travail sur le plan physique, matériel, ben, c'est la même chose qu'elle peut faire dans son rapport avec les entités pour pas être dans une situation dans laquelle elle vit de la soumission à leur égard. Et toute personne qui souffre d'une situation de soumission à l'égard d'individus dans son environnement ou d'entités est appelée tôt ou tard, lorsqu'elle est impliquée dans un processus de conscientisation, à rééquilibrer le rapport. Parce que si le rapport manque d'équilibre, cela lui gruge trop d'énergie vitale. Et l'individu qui se conscientise, son objectif, c'est toujours d'augmenter sa quantité d'énergie, sa vitalité. Donc, c'est d'éliminer les pertes d'énergie. Et pour éliminer les pertes d'énergie, toutes les attitudes de soumission, de réflexion, de culpabilité, qui fait que l'individu va bafouer sa parole ou ses besoins ou de les négliger, va être transformé. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui permet d'accéder à une grande santé. Parce que si l'individu, pour pas déplaire à autrui, pour pas se sentir pas correct, coupable, si il agit pas toujours pour faire plaisir à autrui, ne dit pas ce qu'il a besoin de dire, ben, ça donne de la retenue, ça donne du refoulement. S'il y a trop de refoulement avec le temps, bien tôt ou tard, la personne, ça peut l'amener à vivre une dépression. Ou ça peut l'amener aussi à exploser, donc avoir un comportement d'une manière disproportionnée qui va être la canalisation d'une expression d'éléments qui ont été refoulés pendant longtemps. Et là, ça peut donner place à une action qui peut être choquante, une action qui peut être violente, tout dépendant la situation. Donc, autrement dit, l'affirmation de soi est quelque chose que l'individu en conscientisation est appelé à connaître davantage pour être bien dans sa peau, parce que la finalité de l'individu qui s'éveille, c'est vivre la paix de l'esprit, donc être bien dans son mental et être bien tout le temps, 24 heures sur 24. Et pour faire ça, eh bien, il doit exprimer ses besoins parce qu'en général, les autres ne les devinent pas. Après tout, c'est pas tout le monde qui est médium. Et même si les gens sont médiums, si les gens perçoivent les besoins d'autrui de par leur sensibilité, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont agir en accord avec ces derniers, parce qu'après tout, chaque être humain a ses intérêts et ses besoins. Et dans certains cas, il y a des besoins qui sont divergents. Donc, il y a des gens qui ont besoin de se reposer, il y en a d'autres qui ont besoin de s'activer. Et vice-versa. Donc, il y a des gens qui ont des besoins à certains moments de la journée et d'autres à d'autres moments. Donc, il y a des gens qui vont dormir plus tard, d'autres plus tôt. Il y en a qui se lèvent le matin plus tard et d'autres plus tôt. Donc, ça varie. Et c'est la même chose par rapport aux entités. Ils ont tous leurs besoins, leur agenda. C'est la personne sur Terre qui vit en fonction de la croyance en des divinités qui vont lui dire quoi faire, qui savent ce qui est bien pour elle, si elle vit en fonction de cela et que des êtres décédés se font passer pour des divinités dans son mental, dans le cadre d'une communication télépathique, eh bien à ce moment-là, elle est en situation de vulnérabilité, elle est en situation de soumission et de danger parce que si elle cède sa volonté à celle d'une autre, eh bien, c'est là qu'il peut y avoir des abus de pouvoir et c'est là aussi que commence sa prison psychologique parce que la personne, tant qu'elle ne vit pas en fonction de son savoir, elle ne peut pas être libre de son environnement. Donc, sans la capacité d'affirmer son savoir, ce qu'elle canalise comme étant réel, selon sa sensibilité, eh bien, elle vit toujours au crochet d'autrui, que ce soit un être physique ou psychique. Dans tous les cas, si elle n'est pas capable de savoir par elle-même et de manifester avec force cette vibration, elle ne peut pas être dynamisée par elle et elle ne peut pas être libre. Donc, autrement dit, la personne peut bénéficier de l'éclairage d'individus ou d'entités avec lesquelles elle est en contact si elle juge que c'est intelligent. Mais ça s'arrête là. L'individu qui développe la capacité d'affirmation de soi va toujours se donner la possibilité d'exprimer quelque chose de différent que ce qui est présenté par les autres ou son environnement, parce que la personne va être capable de manifester une créativité et sa vibration propre. Ce qui caractérise la personne capable de manifester son individualité, c'est sa capacité d'avoir un parcours de vie qui est individualisé. Elle ne fait pas comme les autres, elle fait selon sa vibration, ce qu'elle ressent comme étant réel, ce qui fait en sorte qu'elle ne vit pas en fonction d'un agenda collectif, mais se donne son agenda en étant incapable, bien sûr, d'agir en harmonie avec la vibration de son esprit pour être capable de canaliser un agenda qui est intelligent. Donc, autrement dit, l'affirmation de soi vise à exprimer l'individualité dans la vie de tous les jours, à travers ses actions. Les actions, ça peut être très simple, mais qui vont avoir beaucoup d'impact. Quelqu'un qui est capable de raccrocher le téléphone par rapport à une autre personne qui est déplaisante, de mettre ses limites. Quelqu'un, par exemple, qui est capable de mettre ses limites au niveau du travail. Donc, quelqu'un qui se fait demander de travailler pendant 6 heures, 8 heures, 12 heures, 16 heures de manière continue et est capable de dire que là, c'est trop, que c'est disproportionné, donc qui est capable de mettre ses limites pour pas qu'on ambitionne sur lui au niveau du travail, eh bien ça, c'est une expression du respect de soi et de l'affirmation d'une individualité qui est assumée. Donc, ça a une vibration qui est derrière ça. Et plus que l'individu est capable de se faire respecter dans son individualité par rapport à des êtres sur le plan physique et également psychique, et plus que sa vibration va être rehaussée en proportion, parce que ça élimine les pertes d'énergie qui pouvaient venir d'être de son environnement. Donc, autrement dit, en relation avec ça va favoriser son épanouissement.